Ce rap est si zen, tous ces thèmes qu'on exprime, toute cette haine dans ces rimes, ces concerts qui s'enflamment et ce public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face, tout droit sorti de Marseille, ce son que j'aime, quand je l'écoute, cette musique coule dans mes veines, ce rap est si zen, tous ces thèmes qu'on exprime, toute cette haine dans ces rimes, ces concerts qui s'enflamment et ce public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face. Vas-y, je te conseille de rester poli, tu vas subir, essaye de blâmer. Je vais te salir, t'es en train de ramer, t'as ramé de la monnaie. Mais je croyais qu'en Paris, des billets, je te conseille de briller. Essaye pas de fuir, je te laisse commencer le premier. T'es grillé d'avance quand je dirais ce que je pense ou les nerfs. T'es pas mûr pour le rap, y'en a marre des ordures, ceux qui se trompent et sont sûrs de leur vie. T'es trop sec ce qu'ils disent. Ce rap est si zen, toutes ces peines qu'on exprime, toute cette haine dans ses rimes, ces concerts qui s'enflamment et ce public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face. Mes paroles sont vivantes, si vibrantes, je te dis pas de conneries, je t'invente rien, j'écris moi-même et c'est ma mélodie. Si en sort de pas déconner, t'as cru que je t'avais oublié, ma parole, t'es pas snoop, qui j'arroule. Eux c'est des boss, des exemples, trop la classe, toi tu saoules, revers-toi, dans une glace, c'est qu'une trace, il parle de gun et de tasse, à moins que j'ai mal compris quand tu blâmes les MC. Bref, je te propose autre chose, chante pour une bonne cause, c'est pas trop tard de bien faire. On sait qu'il y aura toujours des rats dans les ordures et des gravures sur les murs, c'est pas de la grammaire avec ses fautes, c'est des petits pisseurs qui dînent des paradis. Bref, c'est qu'une commère dans ce monde, t'es pas heureux, personne achète tes albums, tu m'étonnes, t'es trop mort. Prends des cours, l'effet sonore que tu fais, de rien dire, quand tu l'ouvres on dirait que tu dors, quand tu l'ouvres on dirait que tu dors. Faut que tu prends de l'air, c'est pas l'heure du dodo, et tu parles avec le micro, on dirait que t'as chopé la gastro, ça casse trop le bon son. On dirait Pascal au bistrot, prends-toi un verre au bistrot. Ce rap est si zen, tous ces peines qu'on exprime, toute cette haine dans ses rimes, ces concerts qui s'enflamment et le public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face. Ce rap est si zen, toutes ces peines qu'on exprime, toute cette haine dans ses rimes, ces concerts qui s'enflamment et le public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face. Tout droit sorti de Marseille, ce son que j'aime, quand je l'écoute, cette musique coule dans mes veines. Ce rap est si zen, toutes ces peines qu'on exprime, toute cette haine dans ses rimes, ces concerts qui s'enflamment et ce public qui se déhanche, tous ces fans sur la piste, ce classique qui se mélange dans les basses, des battles sur la place, qu'est-ce qui se passe face à face de MC, blâme la face.